serait dans un monde devenu falche, où les rappeurs ont plus de valeur, vendraient leur mère pour du cash. Dans ce monde où tout est baratin, télévision, politicien. Dans ce monde en plastique où le bonheur est vendu en magasin. Mais moi je reste moi-même, je suis pas un de ces clones. Je fais du rap pour évacuer ma haine et pas pour que la foule m'acclame. J'écris pour pas finir à l'asile, je suis pas dans le délire oseille, puis l'inspi dans la résine. Quand j'écris je fume plus qu'une usine. Si ses percussions y passent, ses potes et turpin. Juste un poème urbain sans paille et destra. Je fais vivre mes pensées, mes idées sur papier, mon présent, mon passé, ce qui me fait reculer ou avancer parce que le temps passe. Mais toi-même tu sais je marche pas au stress, la vie faut l'apprécier, y'a pas d'urgence que des gens pressés, que des gens sous tension. On court après le bif mec, parce que les temps sont durs et dur gagner son beefsteak. Serait pas le filon, serait temps pour toi de filer fiston. Les amis je les file, y'a plus de poisson qui passe entre les mailles du filet. M'faut de la maille pour filer de cette galère et pouvoir tout oublier. C'est la mer, retrouver la madré mec c'est la même. Repartir à zéro ça reste qu'un rêve. C'est que je veux bouger ailleurs mais y'a que le pêche qui m'y emmène mec. J'ai tellement de rimes en stock que mon cerveau s'est mis en grève. Toc toc ça fume l'herbe, toc toc je vous emmène dans l'histoire sans fin où tu vois pas le bout du tunnel. Vers l'infini et au-delà, c'est que c'est buzz l'éclair, je roule un buzz, c'est clair, histoire que mes idées s'éclaircissent, trop de vice versa, Sagittaire pas verso, si tu veux ma version, vaut mieux pour toi que tu te retiennes. Nos vies sont peut-être ressemblantes, mais ne sont pas les mêmes, tes idées ne sont pas les miennes, je me démerde pour me barrer, quand on veut on peut, je finirai sous le soleil, car on sait que l'espoir fait vivre. Je prends le mic, ouais, pas pour imiter la Starac. Et avec le RAP, je ne vise pas la grosse baraque. Ouais, moi d'ici, je veux m'écarter. Ne plus me sentir obligé de devoir me démarquer. Vu que ma personne n'est pas un bout de papier. Identique à tout le monde, mais mon dieu, t'as vu comme il est fou ce monde. Il te tend la main pour mieux rentrer dans la ronde. Mais s'il est si petit, visitons la map monde. Ah bon, tu ne savais pas qu'il y avait plusieurs pays. Vas-y, bouge de ton lâche-vie. Ouais, lâche-vie ma vie, j'ai mal poli. Quoi que tu dises et quoi que tu fasses, ici on sera mal payé. Noyé dans la masse, habillez-vous avec classe. Un ramassis de traces dans la tête, il nous entasse jusqu'à ce qu'on pense qu'à 100 aspects en HD. Ça s'est vu à la TV, je sais très bien ce que je fais. Mais j'ai l'impression de tourner en rond. Ne juge pas de ce qu'on vit chacun dans un environnement environnant les échecs violents. Mais sur ma route c'est moi qui tiens le volant. Alors ne dis pas que c'est alarmant au premier tournant. Gens qui disent qu'on n'est pas chaud, qu'on vaut pas cher, qu'on n'a pas de flow, pas d'univers. Malgré le dévers, j't'ai esquivé les travers, aussi droit qu'un canon de revolver. J'reste loin des trafics divers. J'débarque à la nique avec mes gimmicks. Pour moi et ma clique, j't'explique la tactique. J'attends avec des lignes de phrases et la pratique pour sortir des bonnes phases empreintes de technique. Mais avant ça, faut pas que j'flanche sous l'avalanche de la page blanche. C'est plutôt que j'planche des rimes franches pour démolir des hanches. Dès que mes mots s'épanchent, je savoure ma revanche. Je les achève à petit feu sans leur laisser aucune chance. Sans te mettre dans l'ambiance, pense à tes pieds sur une potence. Un bruit brutal, brise de silence. Quand la corde se tend puis se balance. Si la justice est aveugle, l'injustice est voyante. D'une mécanique grandissante, semblant toujours plus effrayante. C'est avec prudence, prestance que je me dirige à travers Yves. Je m'arrête pas de courir pour esquiver tous les ennemis. Et je mise toute la confiance sur la MIFA. Car papa m'a prévenu que demain ça serait le dawa. Jeunesse, essaye de buter la tristesse avec des litres de vodka, whisky, coca, gros bédo de marijuana. C'est à ces moments-là que la vie me donne envie de vomir. Des rimes qui viennent faire faner ton putain de faux sourire. Grandir dans un monde bercé par le chétan nous pousse à être méfiants des gens qui empruntent les voies du mal. Mon cœur parle car une grande douleur envahit mon âme. Une lueur d'espoir pour ce monde qui brûle à petite flamme. L'envie de m'évader me travaille tous les jours de l'année. Donc taf taf taf pour me tailler de ce monde de stressé. Tire des taf taf taf pour évacuer le stressé. Foutrez bien des grosses baffes à tous ceux qui nous manqueraient de respect.